Un TGV, un homme sans visage, Sophie Marceau. Cette semaine, on a battu Anthony Zimmer et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine, on parle d'Anthony Zimmer, film de Jérôme Salle, sorti en France en 2005, distribué par les studios Canal, avec Sophie Marceau, Yvan Attal et Samy Frey. À mes côtés ce soir pour en parler, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Greg. Ça va sinon. Bonsoir Antoine. Moi ça va aussi. Ouais. Et une nouvelle arrivante ce soir, Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir les garçons, ça me fait très plaisir d'être là. Comment vas-tu Barbara? C'est gentil, merveilleusement Barbara. Bien. Bienvenue. Je sais qu'à ta place, la semaine dernière, on avait mis une poupée gonflable pour attraper l'absence de femme. Elle me regardait pendant 2 heures, ça me perturbait. Personne ne l'a entendu. Donc on parle d'Anthony Zimmer. Vous l'avez tous vu? Non. Ah bon? Aujourd'hui c'est Anthony Zimmer? Ah mais ouais. Donc on va commencer par Barbara. Quand as-tu vu le film Barbara? Et c'est la combientième fois? Et comment tu l'as vu? Alors j'ai vu ça mardi soir, pardon. C'était la première fois. C'était bien. C'était... Ça t'a plu? Moyennement. Des pour, des contre. On va en parler, Mickaël. Bah écoute, moi je connaissais pas ce film. D'accord. Je ne soupçonnais pas l'existence. Ouais. D'ailleurs, je te remercie. c'est moi qui suis à l'origine du projet. Ouais. Et je l'ai regardé chez moi, tranquillement. Je sais pas tellement si j'ai aimé ou pas, parce que j'ai rien compris à ce film. D'accord, tu n'as rien compris. Je sais pas de quoi ça parle. Greg? Moi j'étais content déjà parce qu'il dure 1h30. Ça c'était cool. Et j'ai pas trouvé ça horrible en fait. T'as pas trouvé ça affreux? Non, mais je vais vous expliquer pourquoi après. D'accord. Mais bon, c'est pas gêne, mais gêne, ouais. Moi pour tout vous dire, je l'avais vu il y a 5 ans. J'avais particulièrement pas aimé ce film. Mais tu l'as vu au cinéma? Non. Je l'avais vu en DivX à l'époque. Ah oui. DivX. D'accord. Et là j'ai eu l'idée pour l'émission de le refaire, donc je l'ai revu. Mm-hmm. Et moi j'ai compris le film. Et j'ai compris que ça ne marchait pas comme film. Donc on peut commencer par la bande-annonce. J'envoie la bande-annonce. Juste pour compléter un petit peu mes impressions personnelles, j'ai quand même été obligé de revoir une scène 2 fois pour comprendre en fait, ce qui m'arrive très rarement quand je regarde un film. Ah bon, laquelle? Non, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Moi, au contraire, je ne pourrais pas revoir une seule scène de ce film une nouvelle fois, c'est impossible. Le réseau dirigé par Anthony Zimmer était capable d'introduire d'énormes quantités d'argent sale dans des circuits parfaitement légaux. J'adore cette scène. Il aime se sentir au-dessus des lois. Il n'avait aucune photo. Il a subi une opération de chirurgie esthétique très lourde. Vraiment lourde. Personne ne connaît son nouveau visage. Nous l'arrêterons. Je connais son point faible. Audio description, on voit Sophie Marceau. Donc Anthony Zimmer, qui peut résumer rapidement l'histoire de ce film? Alors vraiment rapidement, on va pas rentrer dans les détails. Je peux me lancer, hein, si alors vas-y, bah, raconte-nous ce que t'as compris à la limite. Alors c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue, ouais, qui est recherché depuis très longtemps visiblement par... Interprété par Yvan Attal. Par... Okay. Oh putain, excusez-moi, spoiler alert. Donc il est recherché depuis très longtemps par la police et par la mafia russe. Ouais, les deux. Alors, arrêtez-moi si je me trompe. Mais pour moi, c'est la police qui a appelé la mafia russe. D'accord, on va parler de ce qu'on a déjà parlé. J'ai pas compris ça non plus. J'ai pas compris ça non plus. Je suis pas le seul, ça me rassure. Et donc, n'arrivant pas à coincer ce type qui apparemment change le visage, ils envoient une sorte d'espionne, interprétée par Sophie Marceau. Donc, pour le séduire. Voilà. Donc ça, on va pas voir la séduction, c'est-à-dire ça a eu lieu avant le film, puisqu'elle le connaît déjà. Mais j'ai rien compris. Moi je vais expliquer ce que j'ai compris. ça commence bien. Pour moi, Sophie Marceau a une relation avec Anthony Zimmer, mais il a changé de visage, elle veut le revoir, mais elle ne sait pas qui c'est. Et elle est amoureuse de ce personnage-là. Lui, ah bah oui, est amoureux d'elle. Oui. Ils se connaissent. D'accord. Déjà. Alors moi, ce que j'avais pas saisi, en fait, c'est pour ça que t'as pas aimé le film. C'est qu'il avait changé de visage. Super bien ce film, Michael. Ah, mais tu sais, changé de visage, en fait. Tu sais, Michael, qu'en fait, moi aussi, je me suis. En fait, c'est l'info que j'ai pas entendu dès le début du film, et j'ai regardé tout le film. Ouais. C'est bon, quoi. J'ai trouvé ça bizarre. Et j'avais pas compris qu'en fait, il avait fait. C'est même dans la bande-annonce. Oui, mais j'avais pas regardé la bande-annonce avant. Par contre, qui pratique une opération de chirurgie esthétique dans le but de ressembler à une Borattal. Ça déjà c'est pas plausible. C'est vrai, la voix aussi a été transformée et c'est la voix du doubleur de Tom Cruise dans tous les films français. Tu trouves qu'il ressemble à la voix de... Ah bah, en fait, c'est lui, c'est Yvan Attal qui le double. Ah bon ? Je suis allé vérifier parce que ça me gênait pendant le film. Et c'est Yvan Attal qui fait la voix de... C'est-à-dire Tom qu'aujourd'hui, il fait des films à gogo et de temps en temps, il va faire les films... Il est vraiment dans la merde si jamais un jour, il fait vraiment un film avec Tom Cruise et que le film sort en France. Tu veux dire qu'il a vu Cocktail en avant-première, alors. Putain, la chance. Il l'a vu avant tout le monde. Donc le film s'ouvre sur Sophie Marceau, enfin ses jambes plutôt, c'est un peu le générique du film. On voit son visage très tard. À la gare de Lyon, on voit son visage très tard. Tiens, juste par rapport à ça, je préfère prévenir tout le monde que je ne pourrais pas dire de mal de Sophie Marceau. D'accord. Ça va être impossible. Parce qu'elle joue bien. Mais elle joue très bien, elle est formidable. Elle est formidable. Moi je la trouve plus convaincante que dans La Boum. Hein. Mais d'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle a 25 ans depuis 30 ans quand même. Hein, elle est belle, hein. Non, c'est une belle femme. Franchement, ah, c'est vrai. Moi, je soupçonne qu'il la plonge dans du formol entre chaque film. C'est possible. Donc, pendant qu'on voit les jambes de Sophie Marceau à la gare de Lyon, on entend le flic justement qui présente Anthony Zimmer. Donc tout ce truc-là avec la chirurgie, il a changé de visage. Donc on rappelle, chirurgie lourde. On change de voix, on change de visage et probablement d'autres choses, on ne sait pas. Et donc ça c'est présenté et ensuite gros plan sur Sophie Marceau. C'est présenté, là tu parles de la scène où il y a le flic qui est avec les autres flics d'interprète. Ouais, voilà, c'est alors, cette scène-là, hein. J'ai vraiment trouvé naze parce qu'en fait t'as un face-à-face entre des experts d'Interpol qui sont tous en face, tu sais, ils ont des fiches et tout, et t'as celui qui est en face. En fait, il n'est pas là pour parler de Anthony Zimmer, il est là pour présenter le film et présenter tout le pitch du film. Genre. Donc la bande-annonce qu'on a vue, qu'on a entendue tout à l'heure, genre, alors il a subi. Et en fait, il nous explique tout le film comme ça. Je trouvais ça un peu facile, genre, ok, je vais leur expliquer tout le film avec... Si on s'arrête là-dessus, on va tester tout. À cette réunion, il y a le russe. Ouais, il y a le russe qui est là. Ouais. Alors lui, il est partout. Mais personne ne se pose la question, quoi. Il est dans la salle, l'auditoire, il est dans l'hôtel. Bah, pour moi, c'est pour ça qu'ils travaillent ensemble, en collaboration. Non, alors moi je dirais non parce que je pensais pas qu'il allait y avoir controverse sur ce film. Parce que lui, le flic va voir le russe à la fin et dit je sais très bien qui vous êtes un traître, vous ne cherchez qu'à le tuer et pas du tout à mettre la main dessus. Et lui il dit you know who I am, quelques phrases en anglais insupportables. Et ce casque lui va très mal hein, au début du film, hein. Il est vraiment ridicule. Ouais, mais il y a des belles lunettes aussi. Je me rappelle pas. Et en fait moi il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que il présente le personnage d'Anthony Zimmer, mystérieux, dangereux, tout ça, avec un nouveau visage et franchement un nouveau corps. Et au même moment, il y a Sophie Marceau qui est au Train Bleu, donc le restaurant de la gare de Lyon. Et il y a un livreur black qui arrive. Et je me suis dit, putain, c'est Anthony Zimmer. Et ça aurait été vraiment très drôle qu'à la fin du film, t'es le livreur black qui arrive à la villa. Et c'est mon Anthony Zimmer. Il y a que je vous ai bien eu. Hein. Et je même réussi à lui mettre un accent, t'es obligé de limiter un black à chaque épisode. Donc ensuite, elle, Sophie Marceau, donc découvre la lettre d'Anthony Zimmer qui lui est adressée, où il lui explique voilà, écoute, elle est vénère en plus. Voilà Sophie ou Chiara, j'ai changé de visage. Le plus simple, Chiara, c'est que tu choisisses un homme au hasard dans le train. C'est bien écrit dans la lettre. Choisis un homme au hasard dans le train. Non mais j'étais complètement passé à côté de ça. Ouais, en fait, t'as peut-être pas lu. Ah ouais, non mais en fait, t'as pas vu le film. Ouais. En fait, t'es arrivé au bout de 20 minutes, c'est ça. On parle de James Bond là. En fait, toi, t'as juste vu, il va attendre en vacances. Non mais jusqu'à là c'est cohérent, tu vois, on peut se dire que lui il a prévu le billet ou c'est la première classe et lui il va être en première classe. Ah non, mais c'est normal, maintenant j'ai compris. Attendez, on n'est pas dans le TGV parce que déjà moi il y a un truc, c'est écrit détruit la lettre. Et en plein milieu du restaurant, elle brûle une lettre à 4. Ça, c'est hyper dangereux quand même. Moi ce qui m'a choqué, c'est un film de 2005 et elle s'allume une grosse clope. Elle fume. Mais c'est Sophie Marceau en même temps. Ouais, mais je pense que si Sophie Marceau aujourd'hui s'allume une clope au Train Bleu, je pense que personne ne lui passe, dit quoi. Ça passe. Elle est vraiment belle. Hein. Mais vraiment et le coup du livreur qui dénote complètement dans le paysage, il arrive et dans la vraie vie, il rentre pas au Train Bleu. Il rentre pas quoi. Tu vois, il a le gros casque de scooter, c'est écrit UPS en énorme. Donc après, Sophie Marceau monte dans le train et elle choisit un homme au hasard dans le TGV. Ouais, alors, chance extraordinaire. Ou alors, bah non, on sait pas encore, mais il s'avère que ce sera vraiment chance extraordinaire. Elle choisit par hasard Yvan Attal, François Taillardier, qui est le plus beau faux prénom. Talendier. Plus beau faux prénom français qu'on pouvait inventer. Ouais. Un prénom de médecin, je trouve. Je sais pas. Et donc là s'engage une séduction, une scène de séduction qui va durer longtemps, très longtemps. Mais là on va pas spoiler le film en fait, c'est ça? On spoile pas encore. Non, on va pas tout se taper sans spoiler. Bon alors. Attends, on va attendre un petit peu, on a l'impatience. On spoile pas. Donc Yvan Attal qui est un parfait inconnu, homme divorcé depuis 6 mois, c'est vraiment le. Tu pouvais pas faire pire gros bonnet quoi. Bah c'est le français moyen quoi. Vraiment. Mais nul en plus, il assume d'être nul. Il est nul hein. Tu vois. Oh ben moi je vais pas aller à Nice, j'ai une petite baraque de merde, je suis en première, c'est mon seul luxe. Moi le. Pardonne-moi mais c'est pas terrible comme. Surtout que c'est trop nul d'avoir comme luxe la première alors que tu vois tu préférais te taper un bon resto et voyager en deuxième qui est quasiment pareil. Tu as pu te payer ton billet 80 balles de plus pour. C'est un peu débile. Surtout qu'il voyage dans le sens inverse de la marche. C'est vrai, alors qu'il n'y a personne dans le wagon. Il y a personne en face de lui. Bon. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu choqué de prime abord, c'est qu'en général, moi, quand je prends le train et qu'il n'y a personne, j'ai plus souvent un gamin qui braille ou un vieux qui ronfle qui vient s'installer en face de moi plutôt qu'une belle femme. Quoi. Mais, ah bon bah, moi, c'est tout l'inverse. En même temps, vu ce qui va lui arriver, franchement, je préfère être tranquille avec un gosse. On parle des méthodes de séduction de Sophie Marceau. Je crois qu'Antoine, ça t'a plu en plus. Il y a la fermeture éclair. La fameuse fermeture éclair. Alors déjà, qui a une fermeture éclair là? Coincé tu vois. Bah toi. Non mais c'est une didasse quoi. Elle a pas une didasse dans le film. Non, et ça d'ailleurs, pas possible. Grosse remarque de fille, c'est qu'elle a un espèce de veste zippée de chez Decathlon, alors qu'elle est habillée en maxi bonas. Et qu'elle c'était une veste de chez Decathlon. Bah ça fait. Ah, elle a retrouvé le ticket de caisse. Barbara a retrouvé le ticket de caisse. C'est une tribord. Ouais. Non, ça fait très veste de running. Ah ouais. Ouais. Bon, moi j'ai pas pensé running. Ah, moi j'ai vu. Non moi non plus. Non. Et du coup je pense que vous avez été complètement ébloui et que moi j'ai vu des petits détails sur Sophie Marceau. Non. Je sais pas. Moi après vraiment grosse séduction Sophie Marceau, donc gros plan sur les jambes. Ouais. Les regards. Il y a beaucoup de regards dans ce film. Ça, on voit. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que bon, on parle quand même d'un thriller. Certes, il n'y a pas de suspense, mais c'est un thriller. On s'est classé dans les thrillers. Et en fait, il a dû compenser l'absence de suspense par cette espèce de musique. Je sais pas qui est omniprésente dans toutes les scènes. La musique, c'est un truc qui y a de bien dans ce film quand même. Ouais, mais elle est tout le temps là. N'importe quel. En fait, c'est une musique qui collerait bien sur une scène où on flippe quoi. Non mais sur un plan de TGV c'est très bien aussi. Ah bah le TGV m'a fait peur. Après on peut parler de la musique parce qu'il y a pour moi il y a vraiment deux types de musique. T'as la musique Hitchcock qui est enfin vraiment des nappes de violon. J'ai l'impression de regarder Psychose. Tu fais très bien la musique. J'ai assez mal fait le violon. Et ensuite entrecoupé de musique un peu funky à la Ocean Eleven quoi. Parce qu'il y a un moment, on va en parler plus tard, où Yvan Attal met la main sur un costume et des Ray-Ban, et là, d'un seul coup, on est dans Ocean Eleven. Ouais, c'est incroyable. Mais sinon, j'ai pas trouvé la musique hyper mauvaise, mais il y a plein de plans dans ce film. J'aurais dû chronométrer, mais on est au moins à 4 minutes de plans sur TGV, voiture, TGV, gens qui marchent avec de la musique. Mais moi, c'est vraiment une pub pour des transports, quoi. En fait, déplacez-vous. Au bout de 10 minutes, après cette scène avec Sophie Marceau qui était scandaleuse, tu vois, il y avait le beau plan de train qui est très beau ce plan de train. Franchement, il est vraiment magnifique. Et la musique à la John Williams, bah, derrière, je me suis dit, bon, ça, on peut pas tout détester quand même. C'était pas. Bah, c'était surtout pas qu'il a probablement dû louer un hélicoptère pour filmer ce TGV. Ça a dû lui coûter bon. Il fait bon, clairement, on va mettre une séquence de 30 secondes. Ensuite, le train. En tout cas, la méthode. Moi, j'ai cru qu'elle allait lui demander de passer de la crème dans le dos, en fait. elle va tellement loin. Vous me faites le maillot? non mais c'est grossier quand même la façon. C'est quand elle demande un thé. Ah oui. Enfin, oui. Ah oui. Le mec à court quoi. Il la connaît depuis. Non mais ça c'est bon. Non mais attends, franchement Sophie Marceau t'as jamais demandé de thé. Mais moi il y a moyen que j'y aille quoi. Mais même à 7,80€, hein, tu demandes le prix. Hein, avec les petits croissants. Ouais. Donc ensuite le train arrive en gare de Nice. Ouais. Et c'est marrant parce que j'imaginais vraiment le gare de Nice. 2 minutes pour arrêt. Ensuite on a l'introduction, ça je l'ai noté juste pour Greg, l'introduction de Gilles Lelouch. Mais moi vous savez que je l'aime bien. Il est pas nul dans ce film. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on le voit 30 secondes. Ouais, il a pas le temps d'être nul quand même. Mais moi je me suis demandé pourquoi le réalisateur a pas dit à un moment. Stoppez tout, il y a Gilles Lelouch là, qu'est-ce qu'il faut. Attendez, ça va pas du tout. Et même à la fin, tu sais, quand ils sont dans le camion de filles. Ouais. Attends, il y a Gilles Lelouch au milieu, ça va pas du tout. Gilles, tu déconnes. Gilles Lelouch, merde. Toujours je te promets, tu iras dans mon prochain film, mais pas celui-là. Rien pour toi. Mais il était pas connu à l'époque. Non. Bah, ah bon bah, je sais pas. On s'en fout. On va parler d'autres choses que Gilles Lelouch. Ensuite, on arrive au Carlton, le Carlton Hotel de Nice. Mm-hmm. Il y a une visite de la chambre, je sais pas si vous avez noté, qui est très longue. On va voir toutes les pièces. Oui. Ouais, ouais. Et à chaque plan, t'as Yvan Attal qui fait waouh. Une salle de bain, waouh. Et du marbre. Et ça dure hyper longtemps. Et ensuite. Je sais pas, il y a. C'est pour bien comprendre que lui, c'est un pauvre type et c'est la première fois qu'il fout les pieds dans un palace, quoi. Ouais, moi j'ai déjà un premier. Donc là on spoil toujours pas. Hein. On spoil pas. Alors moi, du coup si on. Si on va pas attendre à spoiler parce que j'en peux plus. Vas-y, Barbara, excuse-moi. C'est que moi du coup j'ai vu que je n'avais jamais vu le film avant de le voir l'autre jour. Il y a trop de trucs que j'ai pas compris et à la fin j'ai fait ah. Alors je vais vous dire mon expérience. La première fois que j'ai vu ce film, pendant tout le film, je me suis dit bon, clairement Anthony Zimmer c'est un personnage qui est forcément à l'écran pour qu'il y ait un vrai twist à la fin. Ah, mais lui il est balèze. On peut pas ne pas l'avoir vu. Et donc dès le début parce qu'ils vont aller se baigner en fait, vous savez nager François? Et après ça ils vont crawler tranquille à la mer. Tu l'as pas cet extrait d'ailleurs? Non, je l'ai pas. Et dès le début. Moi j'ai exclu Yvan Attal en me disant clairement il a forcément une cicatrice quoi. Enfin, je veux dire, il peut pas être un maillot de bain. Et de plus, si elle le connaît, s'il a fait une chirurgie du visage, à la limite elle reconnaît son corps. Enfin, je veux dire, tu connais forcément le corps de ton conjoint, quoi, même sans le visage. Ouais. Tu reconnais ses mains. Esthétique, C'était une opération lourde. Hein. Elle peut avoir des gros seins aujourd'hui. Hein. Bon. Et par contre, pourquoi vous vous attaquez à elle, bordel? Petit détail, il y a la scène où ils vont se baigner justement. Mm-hmm. Le mec a pas l'air d'avoir trop l'habitude de partir en vacances parce qu'en 2 minutes il a un coup de soleil. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué aussi. Hein. Mais ça, j'ai pas vu. Un énorme coup de soleil sur le nez. Et ils ont un petit dialogue qui m'a assez fait rire. Fait, vous faites quoi dans la vie? Je suis traducteur. Vous traduisez quoi? Tu peux pas demander la langue avant? Il traduit quoi? Mais dans quelle langue, bordel? Non, mais en plus, il traduit des trucs tellement tocards, quoi, des manuels. Je sais pas, il se fait même pas un peu mousser, tu sais. Là, bon, déjà, c'est louche. En fait, moi, je suis pas revenu là-dessus, mais déjà, t'as une nana qui vient, qui te drague à mort dans le train. Déjà, tu te dis, ça pue l'embrouille, quoi. T'sais, moi, j'y vais pas au Carlton avec elle. Je me dis, elle va me dépouiller, elle va me tuer, je sais pas, elle va me mourir ou quelque chose, quoi. Tu vois, moi, je sais pas. Pareil. Moi, on court. Et donc ça se passe bien au Carlton, et quand elle lui demande ce qu'il fait, il essaye pas de se faire mousser un petit peu, il dit bah je traduis des manuels de tronçonneuses et il va pas plus loin quoi, tu vois, c'est pas plus quoi. Donc là il y a un petit attaque, hein. Dès le début du film, c'est un film d'action quand même. Ah oui, ça sonne, ah oui, formidable. Ça sonne, les Russes attaquent. Allez, voilà. Bah, quand les Russes attaquent en plus, ça fait mal. Hein, donc là c'est pas des méchants classiques, c'est pas des gens normaux, c'est des Russes. Donc ils ne parlent pas, ils sont blonds. Et ils ont des lunettes oranges. Ils sont très carrés, épaules larges, et ils ont tous des silencieux. Mais ils ne vont pas beaucoup s'en servir. Je trouve qu'ils s'en servent pas beaucoup. Non. Donc ils s'enfuient de l'hôtel. Alors, en fait, vous avez quelque chose à dire sur cette scène? Ouais, moi j'ai quelque chose à dire sur cette scène. Ouais, parce que j'ai analysé. En fait, donc, lui, il arrive à prendre la fuite, forcément, par une porte dérobée. Et il descend un escalier en colimaçon, très vite. Et moi, en fait, il tombe dans l'escalier. Donc moi, j'ai analysé la chute, j'ai mis un petit ralenti. Et en fait, la manière dont il tombe, c'est assez drôle parce qu'en fait, bon, c'est un escalier en colimaçon, donc tu tournes continuellement. Et à un moment, il oublie de tourner. C'est-à-dire qu'il se remet à aller tout droit, mais du coup, il se prend la rampe et il tombe. Et en plus, il ramasse tous ses médicaments. J'ai pas compris. Oui, mais ça, si on spoil pas, on va voir. Ouais. Ok, on spoil pas. Et là, il y a une super longueur parce que il met une... Ah mince. Bruce Willis. Il met une longueur d'avance un gratin au Russe qui est super entraîné. Ouais. Déjà, on ne sait pas comment il a fait ça. Mais il lui met une pilule. Quoi. Et il est pieds nus. Il lui met une pilule. À la base, il est quand même traducteur. Ouais. Tu vois, c'est pas le mec qui va courir tous les dimanches au bassin. Bah, ça se trouve, par contre, il est traducteur. Il comprend peut-être ce que les Russes sont en train de dire. Peut-être qu'il se dit, je pense que il est parti trop rapidement, on va aller lentement. Il disait, du coup, je peux prendre de l'avance. Et au moment où il tombe dans l'escalier, tu te dis, le Russe est parti boire une bière au bar. Et je te dis qu'il lui laisse un peu d'avance. Ouais, il met du temps à. Peut-être qu'ils connaissent pas le fonctionnement des escaliers en colimaçon, les Russes. Moi j'ai vu un petit clin d'œil à Die Hard parce qu'il est pieds nus et voilà. Ouais, c'est okay. Un peu d'un clin d'œil. Là, donc, il ramasse toutes ses pastilles qu'il ne va pas ramasser et ça n'aura pas de conséquences dans la suite du film. Bah justement, façon. Peut-être que les pilules ont fait tomber les Russes. Ah, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Il avait dû voir le film avant. Voilà. Donc après, il court à poil entre les voitures. Et la première réflexe... D'ailleurs, pourquoi il ne court pas sur le trottoir en fait? Parce que c'est peut-être moins dangereux. C'est simple pour esquiver des Russes. Parce que c'est nice, il y a sûrement des vieilles qui sont... Et puis moi, je pense que tu as l'aspiration des voitures, tu dois courir plus vite. Comme un couloir. Moi, quand je vais faire mon jogging, je passe entre les bagnoles. Et c'est vrai que ça... Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est discret. Un mec torse nu et tout court pieds nus au milieu de la rue. Comment il a réussi à les larguer, quoi. Et alors... La scène d'après, là on va devoir spoiler quand même parce que j'ai un premier problème. Est-ce qu'il est au commissariat, c'est ça? Il est au commissariat et il fait un dépôt de plainte. Bah pourquoi en fait? Donc, mais non, mais il fait un dépôt de plainte parce qu'il a failli se faire tuer. Oui, et d'ailleurs, se faire tuer, mais... D'ailleurs, quand il... Ouais, vas-y. Vas-y, Barbara. Vas-y. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand il est au commissariat, on le voit et il attend. Et là, il y a le flic qui arrive avec l'apéro. C'est la fête des flics. Les flics sont assez nuls. Le cliché des flics à l'apéro. Bah, sauf Nassim qui va... Encore Nassim. Encore Nassim. Bah, c'est lui qui arrive avec l'apéro. Ouais, mais en fait, il s'arrête quand même. Il fait bon, je vais écouter ce que vous avez à dire, ça m'intéresse. Oui. Nassim, qui est d'ailleurs, on va pas revenir sur lui, mais c'est un très bon flic parce qu'après, il va l'appeler de chez lui et tout. Ouais, très consciencieux. Écoutez, je pensais à vous, François. Donc, alors, déjà, à la limite, le commissariat, je trouvais pas ça logique. Parce que est-ce qu'on spoil maintenant? On va spoiler maintenant quand même. Si t'as jamais vu le film, tu te dis c'est logique. Oui, c'est logique. C'est très logique. Un pauvre mec. C'est très logique. Mais il s'avère qu'on a vu le film et c'est absolument pas logique. Anthony Zimmer et François Tallardier et Yvon Attal, c'est la même personne. Ah, et alors du coup, c'est pour ça que j'avais pas compris. Aucun putain de sens qu'il aille aux flics. Ah ben non, mais moi, je pense que c'est pour se rapprocher des flics et pour être du coup. Le dernier suspect. À la limite, je suis d'accord avec ça. Alors je dirais, parce que après ça, j'ai réfléchi, j'ai fait franchement, j'ai pensé comme Barbara, si je suis d'accord. Le problème, c'est qu'après, il va faire une IRM. Oui, c'est-à-dire tu sors d'une opération lourde que t'as censé cacher à tout le monde et tu vas faire une IRM. Le truc, c'est impossible qu'un médecin ne le voit pas quand même. C'est vrai. Mais c'est pour ça que ce film est un one shot en fait, parce que je dis pourquoi ça m'a pas déplu. Je fais juste une mini parenthèse, c'est parce que tu te laisses porter et en fait j'ai eu le coup de théâtre à la fin, il a un petit peu marché pour moi parce que je l'avais pas trop vu, j'étais à moitié en train de dormir et tout. Ah oui, donc il a l'air de t'avoir plu en effet. Non mais il y a plein de trucs qui vont pas dans ce film, mais en fait ça marche dans le fait que c'est un one shot et à la fin bah t'as quand même ton coup de théâtre. Si tu le regardes une deuxième fois et que tu regardes tout Yvon Attal qui fait tout son mytho, c'est pour ça que ce film est un mensonge. Non, mais ce film, c'est un mensonge, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de scènes qui sont fausses, c'est un mensonge. Non, mais bah, voilà. L'IRM, que tu l'aies vu ou pas, je suis désolée, il a juste couru pieds nus, il s'est cogné la tête et les flics lui payent un IRM parce qu'il a pas une thune. Ouais, mais on est à Nice, c'est pour ça. Ouais, c'est quand même. Je crois que ça c'est la procédure normale quand tu manques de te faire tuer. Non mais à la limite. Attends, c'est... en plus il lui paye. Non mais quand... enfin il a une chambre d'hôtel, non, machin, il a juste corpigné quoi. Franchement, il y a rien qui va pas si c'est François Tallandier. Le truc c'est que si c'est Anthony Zimmer, il fait pas une IRM, c'est tout. C'est juste. Oui, c'est sûr. C'est il y a un problème. Ou alors, il a vraiment fait une super opération. On avance un peu, donc du coup après il va petit séjour à l'hôpital, Nassim qui l'appelle, Nassim qui va se faire tuer. Le flic qui se fait tuer, voilà. Nassim l'appelle quand même pour lui dire si vous arrive quelque chose, vous inquiétez pas, vous avez mon numéro. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui habite à l'autre bout de la ville, mais si jamais il y a des Russes qui arrivent, comme ce qui va se passer 2 secondes après, genre Nassim, d'ailleurs il essaye de l'appeler, mais Nassim, même s'il l'avait au téléphone, le temps qu'il décoince pour aller jusqu'à l'hôpital, il aurait le temps de se faire buter. Il finit ses pattes, Nassim quand même. Après on descend, donc le petit cliché sur l'hôpital vide et sombre. Enfin, je veux dire, il n'y a personne dans le couloir et il est 19h. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il va essayer de s'enfuir par le sous-sol, voilà, parce que c'est plus simple de s'enfuir par là où il n'y a personne. Sophie Marceau qui le retrouve, alors on ne sait pas comment. Ouais. Gros coup de chance. Hein. Les Russes ne le trouvent pas. Petite parenthèse, j'ai fait des recherches. Sophie Marceau. Aucun lien de parenté avec le mime. Hein. Ouais, on peut reprendre. Donc après, il s'enfuit du parking avec une scène un peu d'action. Ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas. Et paf, on taffe. C'est à ce moment-là que j'ai lâché parce qu'il y a une conversation. Donc forcément, lui rentre dans la voiture. En fait, c'est Sophie. On s'attend à voir un Russe qui veut l'écraser dans la voiture. C'est Sophie Marceau, finalement. Ah, mais déjà, pourquoi elle voulait lui rouler dessus à la base? Non, elle veut pas lui rouler dessus. Elle vient le sauver. Non, mais il y a un plan où on a peur que c'est une voiture qui va lui rouler dessus parce que quand même, elle lui fonce dessus. Elle lui fonce dessus, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un faux effet du cinéma. Ouais, ok. Ouais. Enfin, ah, bon, ah putain, mais ça marche en fait. C'est du cinéma, ça marche. Non, t'avais pas dit. Je pensais que c'était un documentaire. On va, arrêter, on va arrêter cette émission parce que tout ça, c'est du cinéma. C'est bon. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'elle veut le sauver. Bah, elle est tombée amoureuse. Elle le sent déjà qu'il se passe quelque chose. Elle le sent, elle sent. Il y a une alchimie. Exactement. Pour moi, elle l'a vu à poil. Elle s'est dit bon bah c'est le. C'est attends, elle, à la base, elle est quand même. Mais non, elle le sait pas. Non, du elle tout. Le sait pas. Elle le sait pas. Elle le sait pas du non, tout. Non, elle le sait pas. Et elle peut pas être tombée amoureuse. Elle de... le sait pas. Elle le sent quoi. Elle, c'est mais non, elle le sent pas parce qu'après quand ils vont se retrouver, bon, ils partent du parking. Mais si, elle le sent parce qu'après le vieux lui dit. Je sais pas ce qu'elle vous trouve. Ah mais ça c'est bien plus tard. Bien plus tard. Oui, parce que immédiatement elle a le doute. Elle a le doute. Je pense. La scène, la scène après, donc ils montent dans la caisse de Sophie Marceau. Ils avancent. Ils vont dans la planque, l'appartement qu'a Sophie Marceau. C'est un appartement un peu de luxe où il y a des petits costards et des lunettes de soleil. Et 45 tubes d'Elmex, il faut le dire. Et là il y a une scène moi qui m'a marqué où Sophie Marceau lui dit. Parce que du coup, Yvan Attal est fou amoureux d'elle à ce moment-là. Et non mais attendez, François, mais vous êtes sérieux? Et vous êtes vu? Genre, mais vraiment hyper violent. Et deux secondes après, il lui dit, mais vous m'aviez dit que j'étais votre titre d'homme. C'est pas faux. Genre, c'est pas vraiment logique comme dire. Ouais. C'est pareil par 15 secondes de silence. Ouais. Et ensuite, voilà, Sophie Marceau lui dit, il faut plus jamais qu'on se revoie, on se sépare, on ne se voit plus jamais. Et là, c'est Ocean Eleven, Funky, Ray-Ban, CoStar, Maxi Assurance. Ah bah là, c'est incroyable, parce qu'en fait, le lendemain, voilà. Le lendemain, en fait, il faut expliquer. Le lendemain, il se réveille, il ouvre le placard, et là, il n'y a que des CoStar. Et le mec, il va enfiler un CoStar, et il incarne le CoStar, quoi. C'est-à-dire que ça devient un bad-boy. Heureusement qu'il n'a pas trouvé un short et des running, parce qu'il aurait couru un marathon, le mec. Et il va reconquérir Sophie Marceau. Ah ouais, bah, il va la conquérir, parce qu'on ne sait pas. Mais en entrant dans cette planque... Il passe du benêt depuis le début au pire beau gosse. Non, mais il va pas trop loin quand même, non, mais, hein, c'est Yvan Attal. Quoi. Limite, tu oublies qu'il a la tête d'Yvan Attal. Quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, pour moi, franchement, il devait y avoir un demi-kilo de coke sur la table basse, il s'est ciblé tout ça. Et après ça, il est allé séduire Sophie. Quoi. Alors Sophie qui rentre pas dans son jeu. Non. Elle aime pas du tout. Elle monte c'est dans le fille facile. Hein. Elle monte dans le bus 14 de Nice. Le seul bus de Nice où il y a un contrôleur. Et du coup, donc là, Yvan Attal ne peut pas la suivre. Ça, j'ai vraiment trouvé ça assez maigre comme twist. Greg, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Pas convaincu par les bus niçois. Non, c'est absurde. Non, si, c'est vrai que le bus est un peu nul, quoi. Surtout que le contrôleur, il fait... Enfin, c'est un videur, en fait. Il est à l'entrée du bus et puis... C'est un physio. Il a même pas de costume, je crois. Non, il a rien. Il est à l'aise, voilà, ouais, il contrôle le bus. Et là, il y a un enlèvement. Et je pense que c'était fait pour qu'on ait l'impression de est-ce que c'est les Russes ou la police qui l'ont enlevé. Mais j'ai trouvé ça un peu trop nerveux pour un enlèvement de la police, quoi. Personne ne dit police, personne n'a de brassard, il lui éclate la tête. Tu commences à nous faire chier. Ah ouais, tu commences à nous casser les couilles. Il débarque de nulle part, tu sais absolument pas pourquoi. Et comment ils sont arrivés là? Et mais pourquoi maintenant et pas avant, quoi? Et il le savait, les flics savaient qu'il l'avait foutu dans la planque, vu que c'est Sophie Marceau qui l'avait foutu dans la planque. Ouais. Et ils savaient qu'il devait y rester parce que sinon il allait attirer les Russes. Ouais. Donc là, pas toujours là. Hein. Oui. Non, donc mais là, c'est si tu spoil. Mais c'est quand tu vois la première fois, tu dis mais pourquoi ils sont là? Oui, bon, après c'est sûr que... Non mais moi je l'avais compris comme ça. Pour avancer un peu, après il y a la scène d'interrogatoire où donc Yvan Attal est tout de suite dédouané. Parce que en fait, il est pas soupçonné parce que c'est sûr que c'est pas vous puisque Sophie Marceau me l'a dit. Voilà. Oui, parce qu'elle a choisi quelqu'un au hasard. Mickaël, une question? Ouais, une grosse question. Ouais. Faudrait demander au réalisateur pourquoi ce miroir qui se décroche du mur. On pense que c'est. Je pense que c'est pour l'effet, mais je pense que c'était une idée qu'il avait. Moi, je trouvais ça assez drôle à la limite. Ah ouais, bon, d'accord. Là, on apprend que, alors, ils sont pas flics, ils sont douaniers. J'ai trouvé ça complètement con. C'est les douaniers niçois. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est la nana qui va regarder s'il y a pas des mecs qui ramènent des trucs d'Italie, des forales florennes. Normalement, ils sont à Ventimille le week-end. Là, c'est vraiment la mafia russe et la douane de Nice. Et donc là le voilà, on s'aperçoit que oh là là, Sophie Marceau est un transfuge puisqu'elle est douanière. Elle fait partie des douanes de Nice. Et donc d'ailleurs, là, ça fait un peu, tu sais, les séries françaises. Qu'est-ce qui faisait ça, j'ai Corinne Touzet ou machin, là, tu sais, avec la casquette, tu sais, en douanière. Ouais. Ça fait trop nul. Mais elle est belle aussi en douanière. C'est vrai. Et donc, et la scène finale. La scène finale. On est déjà la scène finale là. Ouais, parce qu'on avance un peu, mais vas-y, reviens. J'ai bien aimé quand elle a ouvert les scellés de la maison avec son ongle. Ah oui, oui, oui. Quand elle ouvre quoi la porte de la maison, il y a des scellés. Ah, elle fait. Femme fatale. On n'a pas assez parlé des persos, mais quand même. Sur la première prise, elle l'ouvre avec les dents. C'était beaucoup moins classe. Oh, mais elle a des ongles de ouf. Ouais. Tu voulais dire un griffer, pardon, avant qu'on passe à la scène finale. Ah non, non, non, monsieur. Non, non, mais elle est pleine de puissance. Il y a un truc que je trouve bizarre aussi, c'est que tu vois, quand il retrouve ce film Marceau, je reviens vachement en arrière, hein, je suis désolé. Mais Robinon. Je voudrais qu'on parle du générique. Quand Sophie Marceau vient la sauver, c'est quand même elle qui l'a foutu dans la merde. Tu vois, genre, s'il manque de se faire tuer par des Russes, c'est parce qu'elle l'a fait passer pour quelqu'un d'autre. Et lui, quand il revient, il fait... Oh bah je suis content de te voir, alors que la meuf elle a failli mourir, avant il était juste traducteur, là il a failli mourir à cause de cette nana, mais en fait c'est vrai que ça va un peu vite niveau sentiment. Je trouve que Sophie Marceau tombe vraiment très vite amoureux de François Taillardier qui est... Bah c'est à dire qu'elle passe de l'état de indifférence complète à rapport sexuel, c'est quand même bizarre. Alors le plan de la scène finale, c'est à dire Anthony Zimmer, rendez-vous avec Sophie Marceau dans la maison. La maison qui est entourée d'à peu près 33 snipers de la police. Un semi-remorque de la douane de Nice. C'est même carrément le GIGN en fait. Mais parce c'est le GIGN. Ils sont cagoulés. Par contre, le tenue entièrement noir dans un champ de blé, ça se voit. Au camouflage, ils n'ont pas été très malins. Et donc la scène, il n'y a personne dans la maison. Il y a Sophie Marceau qui est toute seule dans cette maison abandonnée, qui est l'ancienne maison d'Anthony Zimmer. Qui est bien entretenue. Hein, elle est pas mal. Hein. Ouais. Mais c'est déjà une belle villa. Et il y a un semi-remorque situé à une distance qu'on ne connaît pas, avec dedans le flic. Et Gilles Lelouch. Gilles Lelouch qui est là, qui est traducteur. Il va traduire quand les Russes vont parler. Et Yvan Attal qui est là. Alors, on ne sait pas pourquoi il l'a emmené, mais il est là. Il est assis dans la remorque. Il y a un plan, je vais insister maintenant, c'est très important. Il y a un flic qui rentre dans le semi-remorque, qui amène des cafés ou je ne sais pas quoi. Il ouvre la porte, ça fait un boucan. Pas possible. Oui. Le semi-remorque qui est noir s'illumine de lumière parce que vraiment il y a la lumière extérieure qui rentre. Donc c'est impossible de ne pas noter la sortie ou l'entrée de quelqu'un dans ce semi-remorque. Et j'insiste bien sur ça. Oui, il faut insister. On va en parler plus tard. D'ailleurs, le semi-remorque qui est invisible, c'est-à-dire que les Russes vont arriver dans la maison. Mais Taillandi, il est dans ce bus ? Oui, il est déjà. Je ne me rappelle pas. Il est avec eux. Ah, d'accord. Donc là, Sophie Marceau visite la maison et les Russes arrivent. Personne de la douane de Nice ne les a vus arriver. La douane de Nice. Vous avez des remarques sur... L'arrivée des Russes ? Ouais, sur cette... Ou la maison en général ? Ah bah la maison est belle, hein. Mais... La maison est pas mal, ouais. Ouais, la maison est pas mal, ouais. Ce qui est dommage, il n'y a pas vu mère. Ouais, c'est vrai. C'est quand même moi je trouve que c'est une belle bâtisse. Et donc là voilà, il s'avère que Yvan Attal s'est échappé du semi-remorque. Personne ne l'a personne vu. Ne s'en rend compte. Ils vont même faire une réflexion, ils vont dire mais où est Talandier ? Un peu comme quand tu perds le chien en soirée. Mais il est où le chien ? Merde. Champomy d'abord. Ouais, ça c'est assez étrange. Toute cette scène. Et ensuite, donc il va sauver sa chérie, sa dulcinée. Ouais, sa belle. Mmh. Et là, les flics interviennent, quoi, parce que les Russes deviennent violents. Barbara ? Oui, il va la sauver des Russes, parce qu'il la frappe. Oui, parce que les Russes s'en prennent déjà à Sophie Marceau. Ouais. Les salauds. Il lui tape un peu sur la gueule. Et ensuite, donc tous les Russes meurent. Oui. Et après, on se retrouve dans la baraque, remplie de flics, et à l'étage... De douaniers. Ouais, de soigner, pardon. Et à l'étage, l'étage vide, il n'y a pas un flic. Sophie Marceau est tranquillement pour discuter. Yvan Attal, quoi. Voilà. Et là. Il n'y a rien qui vous a choqué déjà dans cette scène à part le fait qu'il baisse sur le bureau. Vous n'avez pas noté ça quand même. Il y a des flics partout. Il faut expliquer en fait. Elle apprend. Enfin, Yvan Attal. C'est bien après. Sur la scène de fin, Yvan Attal lui explique qu'il est Anthony Zimmer, qu'il est effectivement Anthony Zimmer, et là, elle lui saute dessus, quoi. C'est juste libido à 200. C'est moi, en l'embrassant dans le cou. Ah ouais, c'est langoureux quand même, c'est beau. Ouais. Je trouvais ça beau. Mais juste avant, Anthony Zimmer donc, a changé d'apparence, de tout, de voix, mais pas d'empreinte. Ce qui est à peu près la seule chose qui te fait te griller dans la vie, quoi. Ah oui, parce qu'explique pourquoi on voit son empreinte. Il va voir son coffre-fort qui s'ouvre avec son empreinte. Exact, exact. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'il va prendre dans ce coffre-fort? C'est un passeport, mais il aurait pas pu le prendre avant. Pourquoi il a J'ai oublié mon passeport. Surtout qu'il a probablement une gueule, la gueule, l'ancienne gueule dessus, mais bon. Oui. Et ensuite, il y a le, ben voilà, cette finale où ils vont s'enfuir tous les deux en bagnole. Juste avant, il y a un flic qui demande à Yvan Attal, et ça, c'est vraiment pour faire l'effet, il dit « Excusez-moi, j'ai pas noté votre prénom, vous êtes qui ?» Genre comment déjà, tu peux pas avoir des notes sur lui depuis le début de l'affaire. Et c'est juste pour que, voilà... Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment, il fait... C'est pour que Sophie, c'est Sophie Marceau, le grille pas. Ouais. Parce que... Il veut la tester, peut-être. Trois secondes avant, avant qu'il lui révèle son identité, elle dit « Mais oui, je veux l'attraper pour l'arrêter. Oui. » Ouais. Et donc, trois secondes après, elle dit « Oui, c'est François Taillandier. » Il est nul, ce film. Mais ouais, il y a des trucs que j'ai pas compris. Ouais. En fait, il peut y avoir un intérêt. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça vire en comédie sentimentale. Attendez, parce que quelqu'un peut me dire la fin, parce qu'en fait, moi, à la fin, ça a coupé, et j'ai une pub pour Mercedes. avec une classe C noire qui roule dans les montagnes. C'est vrai. Moi, ce que j'aurais bien aimé, et on peut le penser comme ça, à part pour l'empreinte digitale, c'est qu'en fait, tu vois, Taillandier, ce soit vraiment Taillandier, et qu'il chope l'occasion de sa vie, c'est-à-dire qu'il fasse le mytho, genre, ah oui, en fait, non, mais je vais lui faire croire que c'est moi, Anthony Zimmer, je vais pouvoir choper Sophie Marceau. En vrai, il se fait vraiment chier dans la vie, Anthony Zimmer, pour monter tout ça, quoi. C'était quand même seulement... Mais et surtout, quelle chance qu'elle l'ait trouvé, lui, dans le TGV, quoi. Ouais. C'est elle qui l'a choisi. En même temps, il n'y avait personne d'autre, hein, ouais, la vie. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez répondre à mes questions? Ah, vas-y. C'est que les Russes... Moi, je répète que j'ai rien compris à ce film. C'est Greg qui va répondre à tes questions. Les Russes, ils commencent à frapper Sophie Marceau dans la scène, à la fin. Ouais. Sauf qu'il la surveille depuis le début. Pourquoi il la tape pas tout de suite? Comme ça, il arrive, le film est fini. C'est ce que j'avais noté aussi, parce que tu sais, quand il est planqué dans... C'est pour la faire venir. C'est pour faire venir Anthony Zimmer. Ah oui. Ouais. Parce qu'ils disent il va pas supporter qu'on la torture. Ouais, c'est ça. Et le gars, comme il est omniscient et qu'il voit tout partout, c'est-à-dire qu'il va rappeler. Pourquoi il n'aurait pas vu quand ils sont au Carlton de Nice, quand elle l'embrasse, là il chope Sophie Marceau. Et... Ouais, bah, il chope pas lui parce qu'il pense que c'est lui. Ouais. C'est ça, ils se sont dit bon il est au Carlton, on va le buter lui et basta quoi. Je sais pas, moi il y a d'autres choses que j'ai trouvé qui n'allaient pas dans ce film. La limite. Qui a eu peur à un moment donné, qui s'est dit ah là c'est du suspense. Non, faut pas exagérer quand même. Ah, c'est ce qui me semblait. Ouais. Point, quoi. Non, mais en fait ça peut pas être bien parce que son rôle il est tellement mal écrit à Marceau qu'elle peut pas bien jouer en plus. Si. Peut-être tu l'aimes trop pour dire qu'elle joue mal. Je pense qu'ils jouent tous les deux très mal. Ouais, après le flic il joue pas mal. Et le louche joue bien. Le louche joue bien. Il a jamais joué. C'est son plus grand rôle. Non, le loup, je trouve qu'il joue très mal quand il fait le mec un peu soucieux là. Et même moi, c'est pour ça que ça se voit trop. Il y a le louche quoi. Greg, ouais. Tu le conseilles à qui ce film? Moi, je le conseille. Non, je veux pas être méchant. Je suis là, oui, parle. Ah non, pas du tout. Non, je sais pas. Moi, par exemple, je pense que mes parents, ils aimeraient bien, tu vois. Déjà, c'est court, ils s'endormiront pas devant. Ouais, c'est court. Non, on peut dire ça, c'est vrai, c'est une qualité, parfois. Pour ce genre de film, c'est une qualité. Et t'as le one-shot avec le coup de théâtre à la fin qui peut marcher. Moi, franchement, j'avais pas compris au début, bon, toi, t'avais compris mieux. Deuxième visionnage, impossible. Vraiment, tu peux pas le voir. Non, t'as pas vu deux fois, c'est impossible. Vous conseillez à qui, Barbara? À quelqu'un qui a envie de regarder un film léger le dimanche soir. Ouais. Ah mais il y a l'équipe du dimanche ou dimanche soir. Il y a les priorités. Bon, le regarde pas. Ah, moi je le conseille à personne. Hein. Voilà. Moi non plus. Moi je trouve que c'est globalement une purge quand même. Ouais. Mon cousin quoi, qui a 13 ans. Allez. Donc nous on a eu un avis sur ce film. Combien de temps avant de le revoir du coup? Franchement une autre vie quoi. Moi c'est fini, je l'ai vu deux fois, c'est fini. Ah tu l'as vu deux fois. Je pense qu'il a une replay value de zéro. Vraiment. Si non, parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont regardé pour se dire ah tu sais t'as le coup de théâtre à la fin. Je vais en parler. Je me doute bien. Ouais. Moi personnellement je pense que si j'étais un chat je laisserais passer mes neuf vies. Hein. Enfin, un paquet d'années. Hein. Donc, on a eu un avis sur le film. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont un autre avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous de cul. Yo. Tout le monde en a un. Ah. Donc, je suis allé chercher sur Allociné les commentaires 5 étoiles. Moi, j'avoue que c'est mon moment préféré. Ouais, moi aussi. Des gens qui ont un autre avis que nous sur ce film. Alors, on commence par Kaliana 15. déjà, elle a 15 ans ou pas? Kaliana 15, je sais pas, elle vient peut-être du 15. J'adore, et c'est beaucoup mieux que le remake américain Touriste avec Angelina Jolie. Sophie Marceau est époustouflante, super sexy, surtout dans la scène en train avec la fermeture bloquée. Je sais, parce que j'ai adoré la première scène. On a Laura 12-10. D'accord, qui vient pas du 12-10. Je sais pas. Qui écrit « Super, mais manque un peu de fin, c'est dommage. Mais comme j'aime bien Sophie Marceau, je mets 3 étoiles, il les vaut largement 5 étoiles. » Denis Lamalice écrit « Yvan Attal est bon, Sophie Marceau un peu moins, un jeu prévisible. Le scénario tient la route et nous garde en haleine. Quelques scènes d'action, mais sans exagération. Cela reste avant tout un film de relations psychologiques entre les personnages. » J'ai mis 4 étoiles, non pas qu'il le vaille, mais pour faire remonter la moyenne. Il vaut mieux que 2 étoiles. Il vaut 3 étoiles, à mon sens. Bon polar, 5 étoiles. Le mec a fait ses calculs, quand même. Surtout, le mec fait 5 étoiles en plus. Quoi. Donc là, il y a un... Carambar. Il y a un commentaire de Carambar, que je vais essayer de lire vite, parce qu'à mon avis, elle l'a écrit très vite. Oh mon Dieu, ça commence par moi. Oh mon Dieu, ce film est le film. On rentre dedans dès le début, lorsque petit à petit on nous dévoile la sublissime Sophie Marceau, on angoisse un peu, on réfléchit, on est bouleversé. Je sors de la salle à l'instant et je suis encore toute retournée. Yvan Attal est très talentueux, il est juste dommage que l'on ne voit pas plus Samy Frey, mais sinon il déchire. Super génial. 5 étoiles. 5 étoiles. Gurt écrit un commentaire très bref. C'est le seul allemand qui a vu le film. Gurt 01. Pourquoi faire la fine bouche? Ce film est une réussite quand le grand Alfred Hitchcock n'aurait pas désavoué. Les acteurs sont très convaincants, le suspense est total, sans temps mort. Bien joué. Ah ouais, je pense que Hitchcock aurait bien aimé. Ouais. Et là, on a le commentaire le plus long de l'histoire. Je pense pas que je vais le lire en entier parce que c'est vraiment, 700 pages. C'est vraiment très long. Mais je vous lis juste le début, c'est trop mortel qui écrit. Il émane de ce film un parfum étrange et pénétrant, fait de réminiscences du grand sommeil et de l'affaire Thomas Crown. Jérôme Salle semble avoir beaucoup vu les thrillers à l'existence 60s et 50s de John Frankenheimer, Norman Johnson, Sidney Pollack, Stanley Donen, Billy Wilder et Howard Hawks. Il en a retenu la substantifique moelle, les fragrances complexes du désir suggéré. C'est un mec qui s'appelle trop mortel. Replacé dans le contexte actuel de l'international du crime et de la finance, d'hôtels de luxe en planque secrète, d'agences obscures en parking souterrain, ces lieux deviennent les théâtres symboliques d'une mythologie contemporaine où les silhouettes noires, féminines et automobiles, du frôlement d'une robe au glissement d'un GMC monstrueux, il et ça continue, et ça continue. À la fin, il fait une référence à la lettre volée d'Edgar Poe. Je pense qu'il cherche un boulot de... Non, mais en fait, on ne l'invitera pas ici. J'ai vu ce commentaire, j'ai remonté un petit peu, j'ai fait une petite enquête, ouais. Et je suis tombé sur l'adresse IP d'Alain Finkielkraut. Ok, bah écoutez, j'espère que vous avez tout compris au film, plus mieux que nous d'ailleurs. Ouais. Et à la semaine prochaine pour un autre movie. Mmh.